Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de 84 $ par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, 91 $ par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. Gros combat de boxe demain entre Arthur Beterbiev et Alexander Woznik. C'est le même qui a mis fin à la carrière de Dennis Stevenson l'an dernier. Et c'est un combat d'unification. Ça aura lieu à Philadelphie. Question de savoir un peu et parler de ce combat-là. On parle avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Hey, salut Danny. Bernard, effectivement, donc écoute, j'ai l'impression que tu me disais avant d'entrer en onde que Woznik est légèrement favori pour ce combat-là, mais moi je suis surpris un peu parce que Beterbiev, c'est une autre classe. Ouais, Woznik, c'est bien figuré. Là, quand Adonis Stevenson, tranquillement, ça s'est commencé à être un monument depuis le temps qu'il était là. Donc, d'avoir battu Stevenson, ça a impressionné beaucoup de gens. Surtout de la façon qu'il l'a battu. Donc, il a été chercher beaucoup de crédibilité à ce moment-là. C'est pour ça là, qu'à quelques heures, finalement, du combat, il est légèrement favori par les parieurs au livre. Mais c'est ça, on va s'attendre à tout un combat. Là. On a un combat là exceptionnel sur papier avec Beterbiev qui, et lui, est un dur cogneur, puis un boxeur offensif, puis un boxeur solide. Et Woznik, qui, lui, médaillé de bronze aux Jeux olympiques en 2012, qui va faire un peu ce qu'il a fait avec Stevenson. Il cherchera pas le trouble pendant une partie du combat. Il va chercher à prendre quelques rounds sur sa fiche et finalement peut-être causer de la surprise parce que c'est ce qu'il a fait avec Stevenson. C'est tiré de l'arrière au 10e round. Il est sorti fort à la fin du round. Là, c'est une mitraille et qui a ébranlé jusqu'à un certain point la confiance de Stevenson. Au 11e, ben là, il était parti tranquillement. Stevenson a bien paru. Puis là, à un moment donné, il a recommencé encore une fois à attaquer Stevenson, qui n'est pas habitué à se faire attaquer comme ça avec les résultats qu'on connaît. Donc, c'est certain que lui, il va pas se planter au milieu du ring pour échanger coup pour coup avec Beterbiev. Il n'a rien à gagner. D'ailleurs, les deux s'étaient battus il y a 10 ans chez les amateurs. Et Beterbiev l'avait arrêté au 2e round. Il faut dire que Beterbiev était à son meilleur chez les amateurs à ce moment-là. Alors, Woznik commençait à se faire un nom, là. Il n'était pas au même endroit. Là, dans le moment, les deux sont champions du monde et c'est un titre unifié. Donc, c'est très, très intriguant, ce combat-là. C'est pas évident. Là. Il va y avoir des vagues, j'ai l'impression. Ça peut... la vague, un peu. OK. Temps. Parce que c'est un match-up qui est intéressant, quoi, entre les deux. Oui, parce qu'on sait que Beterbiev, c'est pas un fin styliste. Beterbiev, il cherche le trouble. Tranquillement, il va couper le ring. Il cherche à coincer les adversaires, échanger coup pour coup. Et lui, il est précis, Beterbiev, un des boxeurs les plus précis, en tout cas, que moi j'ai connu là, dans ma carrière. Là, il est vraiment là, sur la cible. Alors que Woznik, lui, c'est un boxeur, il travaille bien à distance, il est capable de, comme j'ai dit, il attend le moment d'exploser. Donc, lui, il aime bien marquer des points à distance, se déplacer, circuler. Donc, le mariage, il est bon. Là. On peut dire jusqu'à un certain point, c'est le bagarreur contre le styliste. Là. C'est ceux qui sont complets, ces boxeurs-là, ils peuvent interchanger leur style, mais c'est un peu ça quand même. Donc, généralement, ça fait de bons combats. Et pour lui, Woznik, mais lui, il travaille en contre-attaque face à des bagarreurs, mais de notre côté, Beterbiev est tellement précis. C'est que pour travailler en contre-attaque, c'est que tu attends à quelque part dans tes esquives à ce que l'adversaire manque la cible pour contre-attaquer. Mais Beterbiev, il manque pas son coup souvent là, quand t'es proche. Fait que ça peut être dangereux. D'un autre côté, Beterbiev est allé au tapis contre Callum Smith, Callum Johnson. Il est allé au tapis aussi contre Jeff Page, mais il a jamais été branlé. Il est allé au tapis, mais c'était pas des chutes au tapis où il était branlé. C'était vraiment un peu en déséquilibre. Donc, ça aussi, là, on se pose une interrogation compte tenu qu'il est allé au tapis. Puis Woznik est quand même un bon cogneur. De ses 17 victoires en 17 combats, il y en a 14 par knockout. Donc, est-ce qu'il peut causer une surprise et faire mal à Beterbiev? On ne sait pas trop. En tout cas, on va avoir une meilleure idée. Là. Mais c'est vrai que ça ne prend pas plus que ça. On n'a pas entendu parler beaucoup. Parce que c'est sûr que le journal de Montréal a envoyé quelqu'un. Okay. Mais c'est sûr, c'est-tu parce que Je suis content que tu poses la question. Ouais. C'est facile à répondre. Ils se battent à Philadelphie. C'est un Ukrainien, ouais. Vozdik. Il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens à Philadelphie. Ça fait que quand même des gens, il y a des gens qui le suivent. Mais là, il faut s'entendre que c'est juste une communauté. Là. Et Beterbiev, tu sais, Vozdik, c'est un Ukrainien qui reste aux États-Unis. Et puis, Beterbiev, c'est un Russe d'origine tchétchène. Donc, les Russes ne sont pas 100% derrière de lui, là, on s'entend, et qui reste à Montréal. Mm. Bon, là, tu mets ces deux-là ensemble, on s'entend, là, tu sais, c'est pas une évidence, là, tu sais, c'est pas ouais. Donc, tu me dis, ça lève pas. Effectivement, le combat de ta fille de vie, les Américains qui suivent ça, ben, tu sais, ça peut pas, on n'est pas comme ça quand on arrivait avec les locaux, là, les pure laine. Non, mais je pensais que ça avait un lien avec le fait que, écoute, on ne se contre pas d'histoire. Beterbiev, là, de ce début de carrière, ça a été plus des chicanes, des poursuites, contrats. J'ai l'impression que c'est un peu en lien avec ça. Est-ce que je me trompe? Ben, là, comme j'ai dit, on ne l'a pas vu à Montréal depuis 2016. Ouais. C'est toi dans des combats, t'es à l'extérieur. Donc, c'est difficile pour les gens de s'identifier à lui dans le moment. Tu sais, je pense pas qu'il va avoir bien des autobus qui vont partir de Montréal pour aller à Philadelphie, là. C'est bon. Donc, il y a du chemin à faire. Puis, le fait qu'il boxe à l'extérieur, et puis que, tu sais, le moment, il a commencé à parler anglais. Fait que là, c'est encourageant. La communication est meilleure. Tu sais, les gens aimeraient bien ça, là. Ceux qui parlent en français, le gars reste à Montréal. Donc, tu sais, c'est des points. Heureusement, toute son équipe, écoute, l'équipe de Mark Ramsey, là, c'est un des meilleurs au monde, là, est bien encadré, puis nous autres, on a tout le monde qui supporte l'équipe de Mark Ramsey, puis tu sais, ici, on va tous souhaiter que Beterbiev l'emporte pour éventuellement peut-être revenir faire des défenses de titre à Montréal ou à Québec, tu sais, quand même, là, on est fiers, il est venu s'installer à Montréal, le gars, on est content, on est fiers de lui, mais effectivement, il y a eu des moments un peu compliqués dans sa courte carrière. Il y a seulement 14 combats, 14 victoires, 14 knockouts, avec sa gérante, avec Groupe Yvon Michel, effectivement. Donc, c'est sûr que ça fait un peu... t'attire un peu moins de sympathie quand la chicane poigne à part. Bernard, je veux te parler d'autres actualités dans le monde de la boxe. On a appris que Steven Butler allait se battre en combat de championnat du monde cette semaine au Japon, le 23 décembre. Est-ce que tu penses que Steven Butler a une chance? C'est sûr que sur papier, il n'est pas supposé. Ryota Murata, là, c'est une grande vedette au Japon, médaillé d'or olympique. Donc, lui, là, il est devenu instantanément une grande vedette là-bas. Mais quand tu regardes Murata, depuis le début de sa carrière, je ne sais pas, il y a 15 victoires, 2 défaites. Là, tu dis, si bien, là, 2 défaites déjà, même si ça fait déjà un petit peu de temps qu'il est champion du monde, mais il a perdu contre Sam Endam. Sam Endam qu'on a connu contre David Lemieux, que David Lemieux l'a démoli. Puis il a perdu contre Rob Brand. Donc, il a perdu quand même. Endam, il avait perdu par une décision partagée, mais quand même avec des pointages assez élevés. Il n'a pas bien paru. Et avec Rob Brand, il a bien perdu là, solidement au Japon. Là. T'es chez vous, t'es supposé d'avoir... les jeux sont supposés te trouver bon, mais là, pas vraiment. C'est sûr, quand il a fait ces deux matchs revanche, mais il a arrêté Endam puis il a arrêté Brand. Donc, tu te dis, le gars, il est pas égal. Il y a des mauvaises soirées, là, il peut en connaître. Donc, c'est sûr que tu bâtis là-dessus, tu te tapes par nous, je dis, quoi que Steven arrive là, se prépare bien, puis passe sa part, puis Murata, c'est comme s'il y avait deux Murata, là. T'as le Murata des Jeux Olympiques, puis t'as le Murata de qui en a arraché contre ces deux-là, là, que je t'ai parlé. Donc, à ce moment-là, tu dis, s'il peut pogner une mauvaise soirée, je peux devenir champion du monde, tu sais, quitte à faire une revanche après, mais ça, quand on est loin de ça, mais c'est sûr que pour Butler, là, il part confiant à cause, justement, de ces ratés-là que Murata a connus dans sa carrière professionnelle jusqu'ici. Les chances sont là. OK. Est-ce qu'on dit qu'au Japon, Bernard, on dit qu'au Japon, c'est... J'écoutais un gars de Boxing Town, Laurent Poulin, qui disait qu'au Japon, apparemment, que les juges, c'est pas comme boxer en Angleterre, sont très, très fair play, puis c'est très honnête là-bas, puis il n'y a aucun problème. C'est sûr que quand on regarde les pointages qui ont été donnés, c'est certain qu'on se dit « wow », là, tu sais, c'était bien jugé, mais il faut faire attention quand on dit ça, parce que les juges, c'est des juges de l'extérieur qui vont là, c'est pas nécessairement des juges japonais, fait que contre une dame, là, c'était pas ça, c'est Raoul Kaiz, Robert Hall, puis... Finite Tradansab, qui est un Thaïlandais. Tu sais, donc, c'est pas des Japonais là qui sont là pour juger les combats de championnat du monde. Donc, oui, les Japonais sont très polis, je pense, mais d'un autre côté, c'est pas eux qui donnent les pointages. OK. Bernard, il me reste deux points que je vais te parler. Jean-Pascal a été nommé champion. Finalement, il a eu le titre champion de la WBA. Je comprends pas. Le champion intérimaire, je pouvais comprendre que la WBA a comme un champion et un vice-champion, mais là, il serait champion du monde. Ben, ils ont monté Bivol comme super champion. Là. Okay. C'est la WBA, eux autres, là, ils ont le don de compliquer les affaires, d'aller chercher des sanctions à tous les maudits combats. Là. C'est eux qui sont là, comment je te dirais, qui profitent de plus d'un système qui est tout croche, là, okay. Avec quatre champions du monde, quatre associations, puis eux autres en rajoutent une couche par-dessus, puis ils roulent avec ça. Fait que c'est sûr que Jean-Pascal, c'est exceptionnel qu'il est champion du primaire. Alors ça, Marcus Brown, wow! Et là, maintenant, il est en attente. Mais là, ouais, Bivol, qui est le champion officiel, lui, il vient de dire qu'il est super champion, là, une coche de plus. Fait que ce qui libère Jean-Pascal de son titre intérimaire. Donc, Jean-Pascal est officiellement maintenant champion du monde. Ça, là, c'est comme être à la bonne place au bon moment. Ouais. Jean, il a fait sa chance, là. Chapeau, il est là. OK. Dernier point, parce que je vais te laisser. Je vais aller sur la scène internationale. Il y a Errol Spence il y a eu un accident d'auto, mais il avait livré tout un combat, semble-t-il, avec Sean Porter il y a 2-3 semaines. On dit que c'est probablement le combat de l'année. Est-ce qu'on pourrait le voir contre Pacquiao ou Crawford? Là, un moment, il faut penser à sa santé. Maudit que c'est décevant. Ouais. Jeune boxeur comme ça, talentueux, spectaculaire, tous les outils dans son coffre, puis là, il part avec son, je pense, à sa Ferrari, il a fait 3-4 tonnes, c'est pas plus. Bang, puis là, il s'est fait mal un peu partout. On sait pas trop, là, les dommages, qu'à quel point il y a des dommages, mais tu sais, quand t'es un boxeur, là, t'es un athlète de haut niveau, là, c'est pas le temps, là, d'avoir un petit box à sa carrosserie, là. Donc, je sais pas comment il va revenir de ça. Mais il n'y a pas vraiment... Surtout lui, quand on parle de Rossman, c'est un boxeur habileté. C'est un boxeur là, tu sais, qui est un fin styliste, qui bouge bien, qui est rapide. Tu sais? Donc, c'est pas un boxeur qui est super puissant, mais il est tellement beau à voir boxer. Mais là, si à quelque part, aïe aïe mon coude, aïe aïe mon genou, aïe aïe mon pied, mais là, à un moment donné, là, ça peut jouer contre lui. Là, dans le moment, oui, effectivement, contre qui peut aller après, sincèrement, c'est pas bien important de savoir s'il peut venir. Être solide là, puis en santé, parce que sinon, là, ça va être dur pour lui. Là. Effectivement. Bernard, merde pour lundi, parce que les gens ne savent pas que tu te présentes comme candidat conservateur dans ton coin. C'est le coin de Saint-Hyacinthe. C'est quoi la circonscription comme telle? Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ça fait six semaines que je travaille là-dessus à temps plein. Là, puis en tout cas, la confiance est là, on verra. Moi, c'est une offre de service que j'ai faite aux gens. Là. J'ai eu beaucoup de pression de la part de mon parti. Qui pense que je suis le bon gars là, pour aller chercher le comté. Fait qu'on va voir. Moi, j'ai fait tout le maximum. Là. J'ai 25 municipalités, je les ai toutes visitées. Et j'ai fait toutes les rues en patin roue aligné, 630 km près, il m'en reste encore sorti dimanche. Je peux pas faire plus. Mais Bernard, est-ce que ça doit être différent? Parce que les gens ne savent pas que tu étais échevin à Saint-Hyacinthe. C'est très différent comme campagne, hein? C'est sûr que moi, je suis conseiller municipal à Saint-Hyacinthe depuis 31 ans. Bon, j'ai comme apprivoisé le métier, on s'entend, là, j'ai gagné 9 élections. Mon quartier est super en ordre. Puis, je suis bien content de faire ça. Mais d'un autre côté, si tu t'en vas député fédéral à Ottawa, tu t'en vas pas là à temps partiel. T'es obligé d'être là tout le temps. Donc, c'est sûr que ça sera un changement de vie. Mais comme je te dis, moi, si ça peut aider. Je suis allé là, j'ai une offre de service, les gens décident. OK. Ben maintenant, gros merci, on s'en reparle. Si t'es élu, si t'es pas élu, on s'en reparle. Puis si t'es merde, si on Ça va, Dani, on fait l'émission. Bye-bye. Bernard Barine, collaborateur.